Alors là, je viens de lire le capteur qui est collé sur mon bras et qui me dit la quantité de sucre que j'ai dans le bidon. Comme j'ai envie là de prendre une petite bière et que je suis un petit peu fort, c'est-à-dire que j'ai un peu plus de sucre que ce qui est recommandé par l'Académie, je note que je vais prendre 10 grammes de sucre, c'est-à-dire ce qu'il y a dans une bière, et qu'en conséquence, je vais faire 3 unités d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone naturelle produite par le pancréas et qui fait que l'organisme utilise le sucre qui est apporté par l'alimentation. Et quand il n'y a pas assez d'insuline, ce qui est le diabète, ben l'organisme ne peut pas utiliser le sucre. Voilà. Donc je prends mon stylo d'insuline. Je règle. Voilà. Je le déboîte. J'enlève le capuchon, je le plante dans la peau du ventre et j'appuie sur le bouton. Ça y est, c'est passé. Et maintenant, je vais boire une bière avec toi. Alors, salut, je m'appelle Babylon, je suis maintenant retraité. Et j'ai travaillé dans des métiers de conception, j'ai conçu des enfants, j'ai conçu des maisons. Et je suis très content de ma vie, et de la vie que j'ai vécue et de la vie que je vis avec ma femme, la mère de mes enfants et mes enfants. Ouais. T'as tout vidé là ? Ouais. Ouais, tiens. Salut. On a découvert ça, j'allais avoir 14 ans. Et ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais déprimé, fatigué, faible. Le médecin qui me suivait a zappé le diagnostic. Je pense qu'il avait des a priori sur une psychosomatisation et il n'a pas eu l'attention factuelle à regarder comment se passaient les choses, même si l'origine psychosomatique est recevable. Donc, rétrospectivement, je pense que le diabète était déjà là en train de progresser doucement, de couver. Et puis, il y a un moment, ça n'a plus tenu. Et je suis passé une nuit où j'ai dû pisser 5 litres de sirop de sucre que mon organisme n'arrivait plus à garder, à conserver. C'est-à-dire que l'acidité du corps monte. Il y a de l'acétone qui est produit et qui est quand même toxique dans l'organisme. Bon, je ne pense pas que j'ai eu un vrai coma, mais j'étais dans le coltard. Et donc là, là on m'a accueilli et puis on m'a remis sur les rails. À ce moment-là, j'ai découvert que j'allais me taper de me faire de l'insuline toute ma vie. Mais ça m'a pas... Je n'ai pas souvenir que ça m'ait bouleversé. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon ? L'idée, c'est de faire des briques. Oignon rouge, poire. Une deuxième idée qui était brique avec fromage de chèvre, figues et peut-être du gingembre. Et puis je vois que tu as sorti des champignons, donc ça peut être une troisième idée. Derrière le diabète, on parle toujours de dérèglement du métabolisme des sucres. Le bonhomme, il avale du sucre, et son corps ne sait pas emmener le sucre d'une façon que les cellules vont pouvoir l'utiliser. Le sucre est la première source d'énergie de l'alimentation. Alors, on dit sucre, glucose, hydrate de carbone, glucides. En fait, c'est tout ce qui apporte du sucre. C'est bien sûr le sucre, le miel, la confiture, les fruits, mais aussi le pain, les patates, la farine, les céréales, le riz. Il y a deux familles de diabète. Il y a le diabète insulino-dépendant où l'insuline est défaillante. Dans ce cas-là, le traitement, c'est d'injecter de l'insuline parce qu'on n'a pas encore trouvé d'autres façons. Et à ce moment-là, il faut qu'on équilibre l'injection d'insuline à l'apport d'énergie sucre dans l'organisme et à la quantité d'énergie consommée par le corps, c'est-à-dire l'effort physique. Tu m'as dit qu'il y a deux types de diabète, insulino-dépendant et l'autre. Et ben c'est le non-insulino-dépendant, que historiquement on appelait le diabète gras. Et ça, c'est que l'organisme continue à produire de l'insuline, mais se fatigue parce qu'il a besoin d'en faire énormément compte tenu de toute la masse corporelle qu'il faut alimenter en insuline. Et donc, il n'arrive pas à en produire assez. C'est l'hyperglycémie, trop de sucre dans le sang, parce que le sucre reste dans le sang et n'est pas utilisé par les cellules. Bon, ça, c'est quand le diabète n'est pas traité. L'hypoglycémie, c'est quand cet équilibre entre le sucre absorbé et le sucre consommé par l'effort et métabolisé avec l'insuline manque. Et donc, dans ce cas-là, l'organisme n'est pas nourri en énergie, il s'affaiblit. Le cerveau n'étant pas assez alimenté en sucre en cas d'hypoglycémie, il y a un certain nombre de dérèglements du comportement, faiblesse, vertige, hallucinations, qui peuvent être dangereux parce que... Tu peux me raconter la fois où on roulait ensemble en Charente-Maritime et que tu as eu une hypoglycémie ? Oui, on faisait des courses et j'avais pas fait gaffe. Et je sais plus, ça te rappelle mieux que moi, puisque tu la racontes. À un moment, j'ai senti que tu te rapprochais un peu trop du muret central. Je t'ai fait un petit coup de volant au bout de la deuxième fois où tu étais trop proche d'un obstacle. Et puis après, je t'ai gentiment proposé de t'arrêter à la station essence qui était comme de par hasard au bon endroit sur une petite route. Je t'ai donné deux petits morceaux de sucre. Et puis j'ai pris la route, effectivement, mais on n'était pas très loin. Alors, c'est là où, quand tu dis de demander du sucre aux passants, dans les représentations des gens, il y a quelque chose qui est gênant. Il y a beaucoup de gens qui réagissent d'une manière paradoxale et qui disent « Mais non, pas du tout, vous êtes diabétique, il ne faut pas que vous mangiez du sucre. » Donc, il y a une contamination d'une vieille règle qui est de dire « Les diabétiques, il ne faut pas leur donner du sucre », avec une situation de besoin, voire d'urgence, où il faut remonter le niveau de sucre en lui donnant du sucre pur. Et toi, est-ce que tu as des préférences ? Longtemps, peut-être moins maintenant, mais longtemps. Si j'ai besoin de rebouffer du sucre pour remonter la glycémie, je profitais de ces moments-là pour me faire des gourmandises que je ne me serais pas permis à d'autres moments. Donc je prenais des choux à la crème, des éclairs au chocolat, des religieuses au café. C'est dans l'idée où, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, la manière de gérer le diabète entre le médecin et le diabétique était une manière de restriction. Aujourd'hui, un diabétique, il se fait 4-5 injections d'insuline par jour et ce n'est pas vraiment considéré comme un problème. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on cherchait à réduire le nombre d'injections d'insuline et donc on travaillait avec des insulines qui duraient longtemps et donc étaient moins précises, moins adaptées aux besoins du moment. Et donc... On prescrivait aux diabétiques de ne sauter aucun repas, de manger tous les jours la même chose, la même quantité de sucre dans chacun des repas, pour que les choses soient équilibrées, stables, etc. Les premières fois, donc c'était à la fin des années 60, la concentration de l'insuline était beaucoup plus faible qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et comme l'insuline était moins pure, avec des réactions immunitaires, ça faisait des volumes qui était beaucoup plus important. Les seringues en verre qu'il fallait stériliser en les faisant bouillir ou en les faisant brûler à la flamme. Et puis, généralement, au bout d'une dizaine d'utilisations, l'aiguille était émoussée, donc ça devenait douloureux de faire l'injection. Il y a un souvenir qui était donc en 70, par là, où je partais avec une bande d'amis, on allait en Espagne. C'était du temps du dictateur Franco. Donc on arrive, on sort du train, et moi il fallait que je fasse mon injection. Donc on se retrouve dans un troquet à prendre le petit-déj à 9h du mat. Moi je vais dans les chiottes, j'emporte mon matériel, je fais brûler la seringue pour la stériliser, je prends le flacon d'insuline, je passe 10 minutes, je me fais mon injection, et j'étais terrorisé à passer 10 minutes dans les chiottes à manipuler des seringues, en me disant la garde civile va arriver, et elle va me coffrer comme héroïnomane. Il y a un autre truc, la manière dont on a fait évoluer le suivi de la glycémie. Parce que pour piloter une bagnole, il faut savoir où on est sur la route. Le sucre qu'on absorbe, on voit ce qu'on a dans l'assiette. Et puis, la quantité de sucre qu'on a dans l'organisme, ça, il y a 50 ans, ce qu'on savait faire, c'était de faire une prise dans le sang, puis d'analyser le sang. Ça mettait, dans le meilleur des cas, plusieurs heures. Donc c'est un truc qu'on faisait 3 fois par an. Le pilotage, il était fait en mesurant la quantité de sucre qui était passée dans les urines. Et ce qui passe dans les urines, c'est le sucre qui est au-dessus de la quantité normale, la quantité souhaitable. Donc c'était un instrument de pilotage, pilotage au rétroviseur. On regardait ce qui s'était passé dans les 6 heures qui précédaient. Et puis après, il y a eu des bandelettes urinaire. Donc au lieu de mettre ça dans des petits flacons, après on pissait sur la bandelette et on regardait dans les 3 secondes qui suivaient ce que ça donnait. Donc c'était quand même plus facile, plus rapide, mais ça n'améliorait pas la nature de l'information. Ensuite, il y a eu des mesures dans le sang, donc avec des petites piqûres au bout du doigt, une goutte de sang sur une bandelette, et la machine analysait. Donc là, on était sur un pilotage proche, puisqu'on savait ce qu'il y avait dans le sang à l'instant où on avait pris la goutte. Aujourd'hui, la nouvelle technologie, c'est même pas d'aller chercher une goutte de sang. Donc il y a un petit capteur qui est un peu plus gros que 2 pièces de 2 euros, qui est collé sur le bras et qui mesure en permanence la quantité de sucre qui circule dans le liquide. Et donc avec ça, on a, quand on veut, une information qui n'est peut-être pas instantanée, qui a 10 minutes, un quart d'heure de décalage par rapport à ce qu'il y a dans le sang, avec une insuline qui réagit au quart d'heure. Donc on peut piloter d'une manière très juste et très serrée. C'est vrai qu'il y a après tout le truc de... Tout n'est pas prévisible, tout n'est pas maîtrisé, tout n'est pas maîtrisable. Et donc, il y a toujours un peu de jeu, un peu de flottement autour de la manière dont l'organisme réagit. Je pense que, tu vois, quand je cuisine avec Manon, je me rends compte que... J'ai appris à cuisiner avec toi, je pense, quand même. Et du coup, c'est super méticuleux, organisé... C'est ce qu'on transmet à ses enfants, c'est les enfants qui peuvent le raconter plus que les parents. Tu vois, tu coupes de façon méthodique, finement, à la bonne taille, en fonction de la cuisson. Alors il y a une autre variable, qui est la variable alimentation. Qu'est-ce qu'on mange ? Dans le temps, on disait, les diabétiques, il ne faut pas qu'ils mangent de sucre. Quand j'étais ado et qu'on a découvert que j'étais diabétique, je crois... A posteriori, que j'ai eu la chance d'avoir un pédiatre diabéto qui a pris une option un peu paradoxale, qui a été de dire, ce jeune ado diabétique, on va lui foutre la paix, on va lui laisser le temps d'apprivoiser son diabète, et donc on va pas l'emmerder, le harasser dès maintenant à bouffer 2 patates tous les jours à midi, et pas plus et pas moins. Pour piloter ça, on apprend qu'est-ce qu'il y a caché dans les différents aliments. On apprend que dans le champignon, il y a quasiment rien que de l'eau. N'empêche que c'est bon et c'est sympa. Dans les carottes, il y a à peine de sucre, il y a des fibres, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de protéines. Dans les fromages, il y a beaucoup de gras, beaucoup de protéines, pas de sucre. Bon, on apprend comment on peut se composer un repas équilibré. Et je pense qu'en même temps, moi, ça m'a permis d'avoir une curiosité alimentaire et ça m'a appris... à préparer des trucs avec un peu tout ce qu'on trouve. D'où les briques. D'où les briques, voilà. Les briques, elles sont dans le frigo, donc il faut trouver ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le frigo? Pouf, pouf, pouf. Ça fait des trucs qui sont sympas. Parfois, c'est un peu loupé, mais bon, on ne peut pas réussir à tous les coups. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, je prépare les poires que je vais mettre dans les briques. Donc, je les pèle. C'est quoi la blague, là? Comment tu les pèles? Et la réponse, c'est pas P-O-I-R-E-S, c'est avec un couteau.